Peuple de Garoua, depuis toi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes à l'aise? Amen. Vous êtes content? Amen. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Non. Amen. Même si vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème. Amen. Quand vous allez au champ, vous direz au champ, non? Oui, oui. Vous allez très tôt, 4h, vous rentrez souvent vers 18h. 18h. Mais ça, c'est la parole de la vie, là. Amen. Donc, ça dit que c'est préférable, pas vrai? Voilà. Demandez aux autres d'entrer. Une terre altérée. Soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée. Et de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée. Descende sur nous tous. Oh, divine maison. Venez arroser-nous. Oui, que le désert fleurisse sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs verdissent et portent des fruits nouveaux. Abondante pour la flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descende sur nous tous. Laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Et porte de fruits nouveaux, fraîche rosée, descende sur nous tous. Oh, divine maison, venez arroser-nous, viens au salut, terre pluie. De grâce et de paix, repensons-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descende sur nous tous. Oh, divine maison de Dieu, venez arroser-nous. J'ai pris que cette divine rosée-là, cette rosée fraîche dont la Bible parle, que cette rosée-là est un esprit vivifiant. J'ai pris qu'effectivement cette rosée-là descend sur nous tous. Et que rien d'arrière ne demeure en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez une ville qui vous permet de bien méditer la parole. Le calme. Utilisez cet atout-là pour bien trouver le Seigneur. Le calme que vous avez ici, avec les arbres, les montagnes, ça vous permet d'aller vous cacher et rechercher la face de Dieu. Faites cela. Faites cela. Vous allez le retrouver. Vous avez les dispositions naturelles pour bien communiquer avec le Seigneur. Faites cela. D'accord. Amen. Bienvenue dans cette autre session. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que quand je parle, il parle doucement, n'est-ce pas? Posément. Et je parle de la façon dont vous allez comprendre. Où sont les autres? Après les autres, là, on commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Souvenez-vous encore, je répète encore, dès demain, soyez dans le jeûne et la repentance. Donc quand vous rentrez chez vous, entrez dans l'esprit de repentance. Demandez au Seigneur de vous pardonner. De nettoyer les ténèbres en vous. Restez devant lui comme ça. Prosternez-vous. Demandez-lui de vous pardonner vos mauvaises voies. Il le fera. Il dit qu'il ne dédaigne pas un cœur contrit et meurtri. Il avait un esprit abattu. Quand vous êtes abattu, désespéré, sachant pas comment vous allez faire, il est avec vous. Il va vous relever. Et quand il va vous relever, vous allez savoir que Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Cette fois-ci, pas par les écrits, parce que vous l'avez goûté qu'il est bon. Donc en venant, préparez-vous. Vous avez vu comment il a commencé à faire. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc il peut décider que la réunion se descend en prière ou n'importe. Je ne sais pas comment il peut faire. Donc, attendons-nous seulement à lui. Attendons-nous à lui. Donc souvenez-vous que vous êtes un peuple privilégié. Il a un regard sur vous maintenant. Amen. Ça veut dire que votre façon de faire ne doit plus être comme avant. Ne permettez pas donc qu'aucune racine d'amertume ne reste en vous. Ne permettez plus d'amertume dans votre cœur. Ne soyez pas d'obstacle pour la foi de quelqu'un. Ne soyez pas d'obstacle pour votre propre vie spirituelle. Au sortir de notre visite, ce qui va vous arriver, c'est ceci. Quand vous allez aller dans la Bible, lire la Bible, vous allez avoir comme impression que vous n'avez jamais lu la Bible. Parce que le Saint-Esprit a fait quelque chose dans votre intelligence. Il renouvelle votre intelligence. Vous allez lire la Bible, vous allez commencer à comprendre comme il veut. C'est ce qui arrive maintenant. Et là, il se pourrait que le combat commence en vous. Parce qu'il va falloir débarrasser une chose et une autre chose. Il va falloir que vous dites la vérité sur telle chose. Vous devez passer par là. Il se pourrait que ça arrive au niveau où vous ne saurez même plus comment prier. Parce que vous avez eu à bavarder. Utiliser le langage dit biblique. C'est qu'on a ramassé ça et là. Mais maintenant, ça ne sera plus comme ça. Il faut parler à Dieu avec le langage biblique. Si vous parlez à Dieu avec le langage qui n'est pas biblique, vous vous entendez. Satan vous entend. Dieu ne répondra jamais à cela. Il faut parler avec le langage biblique. C'est pourquoi il faut être nourri des Saintes Écritures. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Comment vous allez faire pour connaître sa volonté si vous ne lisez pas? Si vous n'entrez pas en contact avec les Saintes Écritures pour connaître sa volonté, la Bible dit donc nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose. Pas que nous posséderons, nous possédons. À l'instant où vous avez demandé, vous l'avez. Il dit que si nous lui demandons selon sa volonté, on doit demander selon sa volonté. Donc il faut parler à Dieu dans sa volonté. C'est-à-dire parler selon son langage. Votre prière, si vous priez, vous restez n'importe quoi. Vous dites que je prends la machette du Saint-Esprit, ça n'effraie pas le démon, parce qu'on coupe pas le démon avec la machette. Le langage de la Bible, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. On dit qui est la parole de Dieu. On n'a pas dit qui est la parole. Parce que chacun peut donner une parole. On dit la parole de Dieu. Quand on dit il est écrit, il faut citer ce qui est écrit. C'est ça qui compte les esprits. Voilà la parole qui est l'épée de l'esprit. Donc, si tu ne restes pas devant les sorciers, tu ne peux rien me faire. Je suis plus fort que toi. Ça, c'est ta parole. Ça, c'est ta parole. La parole de Dieu dira, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça, c'est la parole de Dieu que tu dois prononcer. Vous avez la différence, n'est-ce pas? Voilà, il est écrit. Quand le diable est venu devant Jésus, il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est ce qui est écrit. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il dit, ok, il est aussi écrit qu'ils donneront les anges pour qu'ils te portent. Jésus a dit, il est écrit. Il cite la parole. Donc, demeurez dans la parole, d'accord? Dans cette autre session, on va continuer parce que bientôt on va faire nuit là maintenant. Je ne m'excuse pas de vous avoir gardé depuis le matin. Je ne m'en répands pas. Je m'en réjouis plutôt de ce que le Seigneur a de faire. Parce que souvenez-vous, il n'est pas dit dans la Bible que celui qui réussit sur la terre construit la plus grande maison. Que celui qui réussit sur la terre a construit la plus grande maison. Donne la joie au ciel. Que celui qui est président de la République sur la terre. Que celui qui gagne les élections. Que celui qui est le meilleur à fréquenter. Celui qui a ramassé tous les diplômes sur la terre. On n'a pas dit que ça donne la joie au ciel. On dit la joie est au ciel lorsque une âme se répand. Donc c'est la seule chose qui fait bouger le ciel. Et combien avez-vous besoin de repentance ici? Combien? Combien donc allez-vous vous faire réjouir le cœur de Dieu, non seulement le cœur de Dieu, le ciel tout entier. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur de tous nos cœurs. De toute notre âme. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Et il reviendra vers vous. Il va vous visiter. Par son esprit. Ça ne sera plus identique comme vous êtes là. Ça ne sera plus le programme comme vous programmez. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Il va bouleverser toutes vos pensées. Vous n'aurez plus le contrôle de vos cultes. Il va entrer et prendre charge. Parce que ce n'est pas votre culte, c'est son culte à lui. Donc préparez-vous. N'importe quoi qui va arriver par la suite, faites-lui confiance. Amen. Il va vous conduire au bon point. Permettez-le seulement de travailler. Repentez-vous. Disposez votre corps. Votre corps pour son service. Il a dit si quelqu'un se préserve de ces choses, il sera une vase d'honneur. Donc préservez vos corps pour le Seigneur. Dans la sainteté. Il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Quand la nuit va venir là, le jour va disparaître. Quand le jour vient, les ténèbres disparaissent. Soit vous êtes dans un camp, soit vous êtes dans un autre. Nous sommes dans le camp de la lumière, n'est-ce pas? Marchons comme les enfants de lumière. Vous m'entendez là-bas, les jeunes là? On peut continuer maintenant, n'est-ce pas? On va continuer dans la suite de ce que nous avons vu depuis le matin. Le matin, on nous a posé la question, c'est quoi la nouvelle naissance et le parler en langue? Et c'est là où le Saint-Esprit nous a amené dans tous les sens comme ça. Le plus grave au milieu de l'église, c'est de continuer à appeler le nom du Seigneur et de vivre dans les traditions des hommes. Dans ce cas-là, on se trompe soi-même. Donc, on appelle le Seigneur. Et la vie du Seigneur ne suit pas. Dans Luc chapitre 6, verset 49 à 50, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Lorsque vous appelez Seigneur, Seigneur, il s'attend à ce que vous disiez ce qu'il, vous fassiez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Vous devez vivre selon la vie du Seigneur. Quand le Seigneur vous a donné sa vie, vous vivez d'après elle. On dit que vous êtes ses disciples. On n'est pas chrétien parce qu'on appartient à une église. On n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne. On est chrétien parce que Jésus nous a donné sa vie. Je veux que vous compreniez bien mon langage. Je n'ai pas dit qu'on est chrétien parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Parce que nous n'avons pas de vie à donner. C'est lui, on dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est Jésus qui donne sa vie pour nous. Les brebis acceptent seulement sa vie. Reçoivent sa vie. Parce que lui, il est venu, on était mort. Dans nos offenses, il a pris notre mort pour nous donner sa vie. Parce que la Bible déclare que c'est en lui était la lumière. Et en cette lumière était la vie des hommes. Donc avant que Christ vienne, on était mort. En fait, nous n'avons pas de vie à donner. C'est le bon berger qui a donné sa vie pour nous. Donc je dis, un chrétien, c'est celui-là à qui Jésus a donné sa vie. Amen. Je répète encore, je veux que vous compreniez bien ce langage. Un chrétien, c'est celui à qui Jésus a donné sa vie. Jésus lui donne la vie. Je les donne, je connais mes brebis. Je les donne la vie éternelle. Et elles, mes brebis, ne périront jamais. C'est eux là-bas. Il n'y a pas de verset biblique pour dire que les chrétiens, c'est ceux qui donnent leur vie à Jésus. Un chrétien dit la Bible. C'est celui pour qui Christ est mort. Donc il donne sa vie pour celui-là. Et maintenant, la vie de Christ commence à couler en lui. Voilà un chrétien. Vous dites à quelqu'un, tu es chrétien aujourd'hui? Oui. Comment? J'ai donné ma vie à Jésus. Donc c'est toi qui es mort à la croix pour la place de Jésus. Vous voyez, on a des problèmes aujourd'hui, pas vrai? On a des problèmes. Je dis que non, Dieu donne ma vie, il dit que j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Vraiment. Il n'y a pas de verset biblique qui dit que celui qui confesse comme ça est l'enfant de Dieu. Vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Alors il faut que les doctrines humaines quittent et fassent place à la Bible. Non, ouvre ton cœur, reçois Jésus. Comment tu vas ouvrir son cœur pour recevoir Jésus? Dans Acte chapitre 16, si vous lisez les versets 13 à 15, la Bible déclare quand l'apôtre Paul et ses frères allaient dans un lieu de prière, ils ont trouvé dans une femme, des groupes de femmes qui sont assis là-bas. Ils parlaient. Dieu a ouvert le cœur de l'une d'elles. On l'appelait Lydie. Marchand de pauvres de la ville de Thyatira. Dieu a ouvert son cœur afin qu'il fasse attention à ce que Paul disait. Il y avait plusieurs femmes. Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive. Vous savez, dans tout le jeunesse, on a touché Deutéronome 29, verset 4. Où on a lu que jusqu'à ces jours, Dieu ne vous a pas encore donné le cœur. Donc c'est Dieu qui t'a donné le cœur. Là, il avait disposé Lydie à entendre. L'apôtre Paul prêchait la même parole. Il y avait plusieurs femmes. Mais seule celle-là avait cru. Mais la Bible nous explique ce qui s'est passé en elle. Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut cru, elle et sa famille furent baptisées. Elle a pressé Paul à entrer chez elle. chez elle. Alors, si vous me jugez digne et fidèle au Seigneur, entrez chez moi et demeurez-y. Et il n'y a aucun passage de la Bible, ni aucune prédication, où on prêche, après on arrête. On dit que qui veut donner sa vie à Jésus, vous devez arrêter ça. Parce que ça ne se trouve pas. C'est bizarre, pas vrai, les anciens? Oui, c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Mais pourtant, il n'y a pas ça dans la Bible. Mais pourtant, nous continuons à répliquer. Sans savoir ce qu'il en est. C'est ça dont Jésus a parlé depuis le matin. La tradition. D'autres donc s'appuient sur Romains chapitre 10. Verset 9. Que si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, si est-ce qu'un vous savez, celui qui ne parle pas est mieux? Un mieux peut-il être sauvé? Est-ce qu'un mieux, celui qui ne parle pas, est-ce qu'il peut être sauvé? Bon, maintenant, vous rencontrez un mieux avec votre formule, comment vous allez faire naître de nouveau celui-là? Parce qu'il ne peut pas confesser Jésus. Puisqu'il est mieux. N'est-ce pas? Maintenant, c'est un défi d'abord pour que vous le fassiez parler. Pour que sa langue articule maintenant, Jésus te donne ma vie. Ne pouvant pas faire cela, dont les mieux ne pourront jamais être sauvés. On a vu que la nouvelle naissance dépend de Dieu, n'est-ce pas? Il fait naître de nouveau selon sa volonté. Alors je vous pose la question ici. Comment êtes-vous devenu chrétien? La question se pose tout naturellement. S'il y a des questionnements, vous parlez en langue, ça vient d'où? Qui vous a donné? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Si oui, avez-vous confronté la façon de recevoir que vous avez là à la lumière de la parole de Dieu? Si vous ne l'avez pas fait, je puis vous rassurer à 800% que le diable vous a trompé. C'est là nous sargons. Parce que tout doit passer à la lumière de la parole. Vous allez dans des réunions. On dit qu'on va prier pour que vous recevez le Saint-Esprit. On dit ouvrez ta bouche, commence à parler par la foi. On tape ta tête. Que commence à parler, ça va venir. Vous êtes des sorciers. En pratique dans la réunion. Ce n'est pas la Bible ça. C'est pas la manière de la Bible de faire. Le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur de quelqu'un, il dispatche les dons selon sa volonté. Si on vous enseigne à parler en langue, vous ne parlerez jamais la langue de Dieu. Je peux être sûr à 2000%. Vous êtes plutôt en train de blasphémer. Et je peux vous le prouver par la Bible. Si vous parlez cela. Parce que le Saint-Esprit, pour qu'il vienne, il y a une œuvre de sanctification avant l'œuvre du scellement. Premièrement, justification. Sanctification. Puis vous scelle. Et vous scelle pour toujours pour l'enlèvement. Toujours. Ce que vous devez faire, c'est de ne plus l'attrister. Dès que vous êtes scellé, et pour que vous soyez scellé, il y a une œuvre à l'intérieur. Galates chapitre 4, le verset 6 et 7 disent que c'est parce que vous êtes fils que Dieu envoie l'esprit de son fils dans nos cœurs, par lequel nous crions Abba. Dont le Saint-Esprit ne vient pas en vous pour vous faire fils de Dieu. C'est justement parce que vous êtes fils de Dieu qu'il envoie l'Esprit de son fils en vous. Voilà. Il dit Galates chapitre 4, les versets 7, 6 et 7. C'est ce que j'ai dit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son fils dans vos cœurs. Donc vous voyez que les enseignements qu'on a reçus sont contre les Saintes Écritures. Que le Saint-Esprit vient en vous, ça fait de vous fils de Dieu. Lui, la Bible, elle dit que c'est parce que vous êtes fils d'abord que le Saint-Esprit vient ensuite. Le Saint-Esprit ne vient pas vous faire de vous fils de Dieu. C'est à cause du fait que vous êtes fils de Dieu que le Saint-Esprit vient sur vous. Les questions se posent tout naturellement. Avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu quand vous avez cru? Si c'est non, des problèmes se posent en milieu chrétien. Parce que la Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'on a cité, verset 13, que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et quand chaque membre est dans ce corps-là, dans l'esprit, il occupe une position. Alors, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, comment se fait-il qu'on occupe une position dans le corps? Parce que le Saint-Esprit qui attribue des tâches. Comment a-t-on reçu donc la tâche sans le Saint-Esprit? Comment peut-on avoir un prédicateur non baptisé du Saint-Esprit? Sachant que le ministère que nous avons, c'est le ministère de l'Esprit. Comment est-ce possible? Pose la question à ton voisin, comment est-ce possible? Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. La Bible déclare que c'est la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient vierges. Les 10 vierges attendaient tous un époux. Pas que chaque vierge attendait son époux. Tous avaient l'espérance d'un époux. Qui avait fait la promesse qu'il vient les chercher. Mais la Bible déclare que comme l'époux tardait à venir, toutes se sont assoupies. Dont le sommeil les a pris. Le découragement entrait. Mais lorsqu'ils partaient à la tente de l'époux, on dit que les sages ont pris dans leur lampe de l'huile. Tandis que les folles ont négligé l'aspect de l'huile. Ils disaient que non, nous-mêmes prêchons la Bible. Vous savez ce que c'est que la lampe, non? On a aussi la parole dans la Bible, on va toujours lire chaque fois. Ils ont oublié que la parole, c'est la lampe. Il faut ce qui va l'attirer pour la maintenir. L'huile, le symbole du Saint-Esprit. Ouais, c'est dangereux d'avoir la parole sans huile. On dit quand comme le coup tardait à venir. Quand l'époux tardait à venir, tout s'assoupit. Mais subitement, au milieu de la nuit, une voix a crié. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le voici. La Bible déclare que toutes se sont réveillées. Donc la Bible prophétise que même les églises catholiques vont se réveiller. Même les églises mortes vont se réveiller quand Christ va s'approcher. Mais il y aura une différence. C'est celle qui aura été préparée avec l'huile. Quand elles sont réveillées pour aller, les lampes des autres sont éteintes. Pourquoi ça s'est éteint? Parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Tandis que les autres partaient, ils ont dit, donne-nous un peu de votre huile. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir le Saint-Esprit? On n'a pas le temps pour vous expliquer cela. Quand vous expliquez d'entrer en possession de votre Saint-Esprit, vous n'avez pas le temps pour cela. Donc vous avez été folle. Et donc on n'a pas le temps pour vous expliquer cela. Allez vous débrouiller en argent. Allez acheter pour vous, c'est ce qui vend. Si vous voulez aller acheter l'onction, la Bible déclare qu'ils ont compris ça, ils sont partis pour acheter l'onction. On achète le Saint-Esprit, frère. Dans la Bible déclare qu'au moment de l'enlèvement, il y avait deux styles d'onction sur la terre. L'onction achetée et l'onction authentique. Vous entendez cela? Les vierges folles ne doivent pas travailler dans la sainteté pour posséder le Saint-Esprit. Les vraies folles ne travaillent pas dans la sainteté pour posséder le Saint-Esprit. Ils peuvent aller au Bénin pour avoir l'onction. Pour imiter l'autre onction. Ils vont imiter. Mais avec ce style d'onction, si l'enlèvement vient, tu n'entreras pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui va nous amener. Quand il va dire monter, le Saint-Esprit doit te faire monter. En tout cas, même si tu sautes, arrête quelqu'un, tu vas descendre. C'est pour ça que Dieu a prévu que ça soit en un clin d'œil. Essaye de fermer votre œil, vous ouvrez un peu, voir comme ça, vous ouvrez. Faites seulement comme ça, comme moi. Fermez votre œil, vous ouvrez. Donc, quand vous allez faire comme ça, avant d'ouvrir, que l'enlèvement s'est passé. Donc, la seule façon de faire, c'est que vous attachez la bille de votre mari comme ça. Vous restez comme ça chaque fois. Et même comme ça, c'est pas son habit qui va partir. C'est lui qui est dedans. Même s'il arrête comme ça, quand il va disparaître, ta main sera dans le vide. On a dit en un clin d'œil. Ça dit que tu vas te tourner comme ça là. Revenir comme ça là. Les gens ont disparu. Il faut le Saint-Esprit pour te préparer. Il faut travailler dans la sainteté. Éloignez de vous ce qui n'est pas de Dieu. Dans Hébreux 12, 14, il dit recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans Matthieu 5, quand il était sur la terre, verset 8, il a dit ça à un autre langage. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux-là qui verront Dieu. Et nous adorons Dieu. Nous chantons. Mais l'état de notre cœur n'est pas pur. On ne se pose pas de questions. Et on sait que l'enlèvement a la porte. Il nous faut la repentance. Il nous faut la repentance, d'accord, frère? Il nous faut la repentance. Il nous faut la repentance. C'est la repentance qu'il nous faut. Ouais. Sinon, vous réunissez, vous criez à tue-tête, c'est les mots de tête qui vont venir. La repentance est ce qui amène la présence du Seigneur. Le réveil ne consiste pas à faire le bruit avec le tam-tam. Vous achetez le bafle, vous mettez là, vous faites le bruit avec le micro. Vous allez effrayer les ânes, les oiseaux, pas les démons. La repentance. La repentance. Et puis quand le Saint-Esprit entre en action, c'est ça qui secoue l'extérieur. C'est ça qui secoue l'extérieur. Prenez ceci à cœur. Priez personnellement. Décidez aujourd'hui. Séparez-vous avec le péché. Séparez-vous avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Et attendez-vous à Dieu dans la prière. Il va vous visiter. Il va vous visiter. Il va vous visiter. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ici? Sinon, vous n'êtes pas différent des catholiques. Vous n'êtes pas différent des protestants. Ils sont morts, vous êtes morts. Il vous faut l'huile. Il vous faut l'huile. Réveillez-vous. Prenez courage. Rentrez dans la repentance. Persévérez-y. L'huile viendra. L'huile viendra. Il ne peut pas verser de l'huile. Il a dit qu'il ne peut pas couper. Il a dit qu'on ne coupe pas un tissu neuf sur un tissu. Vieux tissu. Vous ne pouvez pas mélanger la tradition avec la sainteté. Il ne peut pas verser l'huile dans un corps sale. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait la réunion, avant qu'il y ait la réunion à la montagne, il a dit à Moïse descend, sanctifie le peuple, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Je vais descendre. Descends, dis au peuple de se sanctifier. Oh, le peuple qui était sur la terre chantait Dieu partout dans le camp là-bas. Mais il n'était pas sanctifié. Pour que Dieu vienne venir pour nous prendre, pour nous approcher, il faut qu'on soit saint. Il envoie un prédicateur pour dire prépare-les afin que je vienne. Prépare-les pour que je vienne sur la scène. Parce qu'il vient de cette façon, il va tuer. Sa sainteté tue. Sa sainteté tue. Si c'est présent, il est saint, la première chose que vous allez vous tomber. Pas qu'il est méchant, mais parce qu'il s'est deux natures contraires. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il nous châtie pour que nous participions à sa sainteté. Vous savez, c'est ça. Moïse est descendu. Il dit sanctifiez-vous. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Lavez vos vêtements. Enlevez ce qu'il faut enlever. Préparez-vous, Dieu va visiter. Le troisième jour, il est descendu comme il avait dit. D'accord, frère? Alors Dieu dit, préparez-vous. Sanctifiez-vous. Repentez-vous. Disposez-vous. Quand vous le refaites, il vous visitera avec lui. Il vous visitera avec de l'huile. Si vous savez que l'enlèvement, c'est la plus grande des choses que l'Église attend, et que si vous ratez, vous êtes mal parti, ceci doit être votre quête quotidienne. D'être en règle avant qu'il n'entre en scène. Parce qu'il rentre en scène, il prend son épouse. Il n'y a pas un deuxième enlèvement. Il n'y a pas un ralenti. C'est terminé comme ça. C'est le pleur et les lamentations. Dans ce Matthieu chapitre 25, il avait déclaré que plus tard, les autres vieilles sont venues. Il dit Seigneur, Seigneur, parce qu'on a dit que la porte fut fermée. Il dit, plus tard, il vient, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il a dit, je ne sais d'où vous êtes. Pourtant, ils appellent le Seigneur. On dit qu'ils sont vierges parce qu'ils étaient sanctifiés par la parole. Mais ils ont eu des fautes de l'huile. Et plus tard, vous appelez Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ce qui ne vous connaît pas? Faites attention. Répentons-nous. Préparons-nous. Dans la repentance, ça doit être votre sujet maintenant quotidien. Fini la religion. Fini la religion. Fini le train-train quotidien là. Fini cette façon de vivre. Que je vais aller dans mon champ, aller dans mes activités, et puis venir à l'église dimanche matin. Le pasteur fait ce qu'il a envie de faire. Après, il rentre continuer. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous devez considérer que c'est vous-même. Si l'enlèvement vient, je ne viens pas chercher votre pasteur. Il vient chercher celui qui est prêt. Il y aura des assemblées qui vont laisser le pasteur. Il y aura des assemblées, peut-être même aucune personne ne partira. Il y aura des assemblées que ça va peut-être une personne qui va partir. Et peut-être vous allez fermer les yeux en train d'adorer comme ça, guang, guang, guang, guang, guang, faire le bruit. Quelqu'un ne se parle au milieu de vous. Pour vous dire que non, c'est celui qui est sorti pour aller pisser. Alors que l'enlèvement a eu lieu. Vous continuez à servir de ce Dieu-là. Quand Jésus est venu, il a fait son ministère environ 3 ans. Il est sorti, il est parti. Il a accompli ce que la Bible disait. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas en lui. Ils attendent à ce qu'il vienne. Il est venu, il a fait ce qu'il a fait, il a quitté la scène. Il ne croit pas. Donc faites attention que ce qui est écrit dans les prophéties. C'est-à-dire quand l'avènement va avoir lieu, ils vont commencer à jeter la poussière sur eux. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ai-je méprisé la sagesse? Donc aujourd'hui, la sagesse crie dans les rues. Que j'ai mêlé le pain avec le sacrifice. Venez. Stupide, entrez pas ici. Quittez la stupidité. Entrez dans la salle. C'est ce que le Proverbe dit depuis en annonçant Jésus. Que la sagesse crie partout dans les rues. Que les stupides quittent la stupidité. Donc la repentance. Tracez une ligne maintenant. Avec votre vie. Arrêtez avec le péché. Arrêtez avec le péché. Vous connaissez ce que vous faites, que vous savez que ce n'est pas bon. Arrêtez. Ne décidez pas demain. Arrêtez maintenant. Alors que vous entendez cette voix-ci parler. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Ne franchissez pas cette porte sans arrêter. Il faut que dans vos cœurs, ça soit séparé. Vous, jeunes filles qui vivez dans la fornication et les jeunes garçons, arrêtez. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Arrêtez. Si vous voulez participer à sa sainteté, arrêtez. Il vous faut l'huile. On m'a dit, bon. Il vous faut l'huile. Il y a donc un prix à payer. Le début, c'est la repentance. Il faut que vous mouriez à vous-même, vous acceptez ces souffrances. Sinon, vous pouvez aller au centre-fait au Bénin, en Côte d'Ivoire, chercher l'onction. Mais il y a une procédure, un processus, un cheminement. Comment Dieu fait pour donner? La repentance. D'abord, Actes chapitre 3. Et quand il la tati. Actes des apôtres. Coude la face au tati. Actes des apôtres chapitre 3. Coude la tati. Vous êtes Actes des apôtres chapitre 3. Non, écoute la tati là. Verset 19 et 20. Aya sapo et dwenai nogas. Répandez-vous donc. Répentez. Convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que le temps de rafraîchissement oui. vienne de la part du Seigneur mm-hmm. et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, mm-hmm. Jésus-Christ. Voilà. Vous avez entendu? Répentez-vous et convertissez-vous. Après cela, un temps de rafraîchissement vient sur vous et qu'il envoie. Donc ce qui vous empêche, c'est la repentance et la conversion. Quand ces conditions sont réunies, il envoie le rafraîchissement. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est l'ordre. Les premières paroles du ministère, c'est repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous donc pour entrer. Jean-Baptiste a dit repentez-vous et prêchez. Jésus a fini, là qu'il a été baptisé, et repentez-vous et prêchez. Quand il a envoyé ses disciples, deux à deux, il allait prêcher, dites repentez-vous, le royaume de Dieu s'est proche. L'apôtre Paul dit que j'ai passé jour et nuit au milieu de vous prêchant la repentance et la profession du bon Dieu. Dans le début de toute communication avec Dieu, c'est la repentance. Le début de toute communication avec Dieu, c'est la repentance pour que le péché soit effacé. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 17 à 19, il dit venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vous entendez ça? Il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviennent blancs, ils deviennent plaidants. Donc, allons devant le Seigneur pour plaider. Il dit même si tu as fait n'importe quoi, il va nettoyer. Il dit si vous avez la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais il dit si vous êtes rebelle, si vous endurcissez votre cœur, vous serez dévoré par le glaive. Donc vous allez payer le prix de votre désobéissance. Puis conclure verset 19, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc il faut se repentir. C'est à notre intérêt de se repentir pour que le temps de rafraîchissement vienne. Repentons-nous. Où il n'y a pas de péché que vous avez commis que le Seigneur ne peut pas pardonner. Allons au devant de lui, parlez, pleurez au devant de lui. Vous avez la grâce, depuis que je prêche, c'est la première fois que j'expérimente ce que j'ai vu ici chez vous. Je n'ai jamais vu cela. C'est dans la Bible que je sais que ça va venir à Jérusalem. Mais j'ai vécu ça ici avec vous. L'esprit de supplication. L'esprit de supplication. Pour qu'il verse son esprit, pour que vous puissiez avoir à lui supplier par rapport à votre repentance. Le Seigneur vous aime. Pour qu'il déverse son esprit de supplication. Pour vous donner l'opportunité de prier comme il veut. Pour qu'il ôte le péché qui est sur le cœur. Qui sème l'amour dans le cœur. Pour qu'il y ait le pardon. C'est une grâce. La Bible dit dans le livre de Zacharie que c'est cet esprit qui va déverser à Jérusalem pour que les gens tournent le regard vers celui qu'ils ont versé. Un esprit de grâce et de supplication pour qu'ils tournent le regard vers lui. Celui qu'ils ont percé. Vous l'avez expérimenté ici. C'est la première fois depuis que je prêche que j'ai vécu ça. Vous êtes privilégié. Vous êtes privilégié. Allez dans la repentance. Restez dans la repentance. Il va vous visiter. Il va vous visiter. Parce que vous possédez une chose que je n'ai pas encore vue quelque part. L'espérance. L'espérance. Malgré qu'il y avait n'importe quoi avec vous, vous avez toujours foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous aviez toujours foi au Seigneur Jésus-Christ. L'espérance. Que ça ne vous quitte jamais. Que ça ne vous quitte jamais. Mais la Bible déclare qu'il y en a trois. Vous avez l'espérance. Il faut la foi en le faire. Puis maintenant, l'amour. L'amour. Vous voyez que le manque de pardon bloquait l'obstacle par rapport à l'amour. Mais cet obstacle a été ôté. Aimez-vous pour que cette foi-là demeure en vous. Vous verrez le Saint-Esprit. Vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre. Ne permettez pas cette chose-là que ça vous bloque. Restez devant sa présence. Il dit repentez-vous et convertissez-vous. Dans ce Acte chapitre 3, verset 19, il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que l'obstacle soit enlevé. Vous voyez, et que vous recevez donc le rafraîchissement. Et que Dieu vous envoie Jésus. Le verset 20 dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a enseignement parlé par les prophètes. Donc il y aura un rafraîchissement. Il y aura une restauration. Il y aura un rétablissement de toutes choses. Et Christ va venir prendre la possession. Ne perdez pas cette partie. Vous ne pouvez pas faire 20 ans dans la foi pour aller dans la Géhenne. Non. Non, donc mieux vous quitter. mieux vous abandonnez la Bible. Vous partez vivre bien dans le monde. Sachant que vous allez aller en enfer, sachant pourquoi vous allez. Que de rechercher le Seigneur. Vous n'êtes ni chez le Seigneur, ni chez le diable. Donc si vous voulez passer le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous rentrez totalement dans le monde. Vous faites bien pour que le diable vous félicite. Qui vous donne le médaille même d'honneur de péché. Mais si vous voulez servir ce Dieu-ci, le Dieu de la Bible, il est saint et il désire que vous soyez saint. C'est sa façon à lui arriver. Vous avez moi là? Vous comprenez, n'est-ce pas? La repentance. Donc rentrez à la maison aujourd'hui, entrez dans cet esprit de repentance, demandez au Seigneur de vous pardonner. Vous les femmes, quel que soit ce que votre mari vous a fait, vous n'avez pas d'excuse devant Dieu de vous dresser contre votre mari, quel que soit ce qu'il a fait. La Bible dit que femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Même s'ils ne croient pas à la parole, la Bible déclare que c'est en votre, en voyant votre mari de vivre chaste et réservé, qui seront transformés sans la parole. Donc en confrontant son autorité, vous êtes coupable devant le Seigneur. Répentez-vous. Répentez-vous. Même si votre mari a quitté pour aller pour une autre femme, il est quand même ton chef. La manière de résoudre ça, c'est devant Dieu et dans la prière. Vous vous levez dans une confrontation. Vous quittez votre position de soumission. Répentez-vous. Rentrez à la maison, répentez-vous. Vous les anciens, la Bible déclare qu'on n'a pas traité les gens avec acception de personne. Si dans un règlement de conflits, vous avez fait acception de personnes, répentez-vous. Parce que la Bible déclare qu'on doit redresser avec sagesse, avec justice. Répentez-vous. Si vous avez frustré le brebis du Seigneur, allez dans la repentance. Que Dieu vous donne la grâce de les paître avec dévouement, avec amour. Non pas comme dominant sur avec autrui, non pas pour un gars. Servez-le en comptant sur le Seigneur. Faites cela avec amour. Rentrez dans la repentance. Il va vous donner le temps de rafraîchissement. Il va vous donner les dons spirituels pour que vous œuvrez. Sans cela, point d'horreur. Vous ne verrez nulle part. Vous allez continuer dans la Bible. Il ne sera jamais allé. Il ne répondra pas aux prières. Vous allez appeler Jésus. Satan se manifestera. Repentez-vous. Enlevez les obstacles entre nous et le Seigneur Jésus. Repentons-nous. Vous avez suivi? Repentez-vous. Vous avez quelqu'un que vous avez frustré. Allez, réglez le problème. Il a dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez voir le Seigneur? Vous voulez voir le Seigneur? Repentez-vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, c'est de se nettoyer pour que Dieu puisse vous mettre en service. Se nettoyer. Je ne dis pas que vous rentrez à la maison, vous lavez. Non. Vous allez accepter que la parole vous lave. Que la parole appelle dans vos vies péché, ce qui est péché. Et que vous changez cela. C'est ça dont il est question. Répentons-nous. Dans les deux jours-ci, ne mangez pas. Restez dans la prière. C'est important pour vous. Restez dans la prière. Priez. Demandez Seigneur, j'écris à toi. Enlève de ma vie le péché. Enlève les ténèbres. Donne-moi de vivre comme tu veux. Il le fera. Il le fera. C'est ce qu'il a promis. Il a dit repentez-vous et convertissez-vous. Pour que votre péché soit effacé. Répentez-vous. C'est individuel. N'allez pas dans la prière pour accuser quelqu'un. Allez dans la prière pour régler votre problème avec le Seigneur. Parce que si vous ne réglez pas maintenant, il va vous régler votre compte. Parce que tôt ou tard, vous allez vous présenter devant lui. C'est maintenant, allez devant lui maintenant pour qu'il soit votre avocat. Que plus tard, il vous appelle et qu'il soit votre juge. Prenez le Jésus avocat aujourd'hui. celui qui pardonne toutes nos iniquités, prenez-le aujourd'hui. Sinon plus tard, il va se positionner en juge. Et quand il se positionne en juge, personne ne peut vous échapper. Personne ne peut lui échapper. Vous allez aller au lieu où il va désirer. Il n'y aura pas de défenseur contre vous. Il n'y aura pas d'avocat en ce moment pour vous. C'est maintenant le temps de la grâce. Répentons-nous. Préparez-vous. Il marche devant vous. Il désire faire son chemin dans vous. Êtes-vous prêt donc pour cela? Rentrez à la maison, repentez-vous. Demeurez dans la prière. Même si vous dormez, priez. Priez. Il vous visitera. Vous comprenez? La repentance, la vraie, est ce qui l'amène même sur la scène. Vous vous repentez, l'obstacle est ôté. Il vous répondra. Il viendra. La repentance dont je suis en train de parler ne consiste pas à l'arrestation de la bouche. Je dis ici, j'insiste ici, parce qu'il vous a donné la grâce de cet esprit de supplication. Quand vous allez aller devant lui, votre cœur va se déverser au devant de lui. C'est ce qui est en vous maintenant. C'est ce que le Seigneur vous a accordé. Donc il vous a donné la grâce pour avoir accès dans la repentance. Dans Actes chapitre 13, lorsque l'apôtre Paul a parlé, les Juifs l'ont rejeté. Il a dit qu'on se tourne maintenant vers les païens. Les païens, en entendant cela, ont reçu cela avec joie. La Bible déclare que ceux qui avaient été destinés pour la vie éternelle ont cru. Quand les apôtres vont monter à Jérusalem, on va leur faire des reproches. Dans Actes chapitre 11, on dit à Pierre que tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux. Parce que les Juifs ne collaborent pas avec les nations. Il s'est mis de façon suivie à lui expliquer ce qui est arrivé. Comment l'ange est venu lui dire qu'il part à Joppé pour aller chez Corneille. Quand les autres ont suivi, ils ont dit donc, Dieu a donc accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Donc Dieu vous a accordé l'esprit de repentance. Allez au devant de lui avec cela. Pour qu'il obtienne d'obstacles. Vous avez la grâce. L'esprit de supplication est pour vous. Repentez-vous. Allons devant de lui. Les autres personnes entendent repentance, ils récitent avec le cœur, avec la bouche, mais le cœur ne suit pas la repentance. Mais ici se trouve la grâce que ça sort de votre profond. Ça sort de votre cœur. Vous êtes prêts pour le réveil. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à demain matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée.